Bonjour, voici Bluesy, une émission proposée par Denis Claraz. Last night I jumped in my bed and I turned out the doggone light. Dream I was on top of the planet Mars just the other night. Had a talk, you know, with the head marching up there. It's a loose and a red sun. Up and away, wanna know. In my back pocket and I put out a chitlin. Marching stood there looking while I was studying nibbling. Oughta heard him holler, oughta heard him scream when I let him taste a pig foot and a collard green. What I do, that's the kind of soul red ring to you. Then the Martian told me, Red, do you see them craters in them hills? They made out of things y'all on earth called $100 bills. We plant them in the summer, dig them up in the fall, put them together with Martian glue. Get rid of them all, that's what we do. Yes, that's what we do. That's the kind of soul that as Martian people bring to you. Then I told the Martian about a man on Earth they call Uncle Sam. Man, he coming up here soon, just where I am. Gonna tax all your craters and tax all your hills. When he gets you taxing you people, have a $50 bill. What we do, that's the kind of soul that Louisiana Red brings to you. Then I told him I got a lot of women on my country farm. I plant them tall and sweet. Whole lot of y'all. I plant them by the bushel. Plant them by the pick. Got a whole lot of pretty gals. I ain't planted yet. That's what I do. Yes, that's what I do. Now, Mr. Martin, that's the other kind of soul I bring you. I got a Cadillac car. I dress nice and clean. Grammy won my pretty women. She's like a Georgia queen. I'm gonna tell you people, I turn on my light. lay down and dream. Each and every night, what I do. I told you about it, Red's new dream. Et bien voilà, on y est. Bienvenue dans Bluesy. Alors Bluesy, ça a démarré assez fort avec un chanteur qui a eu une très longue carrière. Il s'agit de Louisiana Red, qui avait débuté en 1963 avec un album dont l'un des titres phares s'appelait Red's Dream. Voilà, je vais y arriver. Et là, de nombreuses années après, c'est-à-dire en 2009, alors il faut que je sorte la calculette. Enfin bon, quelques 40 ans plus tard, le voici avec Red's New Dream, le nouveau rêve de Red. Alors, tout de suite, dans la foulée, sans prévenir, voici arriver Bonnie Raitt, accompagné de Delbert McClinton, Good Man, Good Woman. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas diffusé un titre de Kenny Neal. Alors, attrapons-nous avec un album qui date de 2022. L'album, c'est Straight from the Heart et le titre, Someone Somewhere. I know someone somewhere who loves me. I know someone who really cares. And I know someone who really loves me, y'all. I know someone who really cares. I'm gonna keep on searching until an angel hear my prayer. I'm not gonna get discouraged. And whoa, I'm not gonna turn around. And people, I'm here to tell you I'm not gonna get discouraged, y'all. And whoa, I'm not gonna turn around. On a searching till my true love can be found. Come to those who wait. And I've been waiting a long, long time. And good things come to those who wait, baby. And I've been waiting a long, long time. Gonna keep on. Till I can call you mine. I've been waiting a long, long time. And good things come to those who wait, baby. Yeah, yeah. And I've been waiting a long, long time. Gonna keep on waiting, yeah, until I can call you mine. Hawkins, Don't Make Mama Cry. Celui qui vient est un musicien assez ancien hein, dans l'histoire du blues. Il s'appelle Lonnie Johnson et il était l'un des premiers à avoir joué de la guitare en tant que soliste. Hein. On entend particulièrement bien chacune des notes qu'il joue. Lonnie Johnson, on l'écoute tout de suite avec Friendless Blues. Thank you. Encore du blues féminin avec une formation française qui est celle de Elise and the Sugar Sweets, mais qui interprétait là un tube de Magic Sam, He Belongs to Me. Alors, eh bien, l'émission s'achève, on va se quitter comme on le fait habituellement, on se retrouve toujours avec plaisir hein, quand même, avec un musicien, un guitariste qui, dans ses jeunes années, était plutôt musicien que chanteur. C'est ce que l'on va découvrir et réentendre tout de suite. Monsieur Albert Collins, avec un extrait d'un album qui regroupe ses enregistrements sous le label Imperial. Le titre que je vous propose aujourd'hui, c'est Do the Sissy. À très bientôt. Sissy. sis. Do the sis. C'était Bluesy, une émission présentée par Denis Claraz.